Bonsoir à tous, vous êtes sur Rage, c'est l'heure d'Exocet, j'espère que tout va bien pour vous. Durant une heure et demie, Thomas et moi-même allons vous raconter des histoires étranges. Nous allons vous relater des faits inexpliqués, des informations insolites. À la technique, c'est Mika, bonsoir à toi. Et en plus, salut. Et en plus, c'est son anniversaire, donc et bon anniversaire, Mika. Et Thomas, bonsoir à toi également. Bonsoir, Patrick. Alors, l'art contemporain, mesdames et messieurs, l'art contemporain, dans l'esprit du public la plupart du temps, au pire, c'est de l'escroquerie. Au mieux, bah, on va dire que c'est comme un vieux slip posé sur une poutrelle avec un titre du style « La condition humaine ». Donc, l'art contemporain, dans l'esprit du public, en général, c'est vrai que ce n'est pas porté en grande estime, mais il faut savoir que l'art contemporain, étant donné qu'il offre absolument toute la liberté, parfois il y a des artistes qui les saisissent, ces libertés-là, qui vont très très loin dans l'étrange, dans le bizarre, dans le trash. Donc ce soir, j'ai décidé de vous faire une liste des artistes contemporains les plus dérangeants et les plus troublants. On va commencer avec Damien Hirst, qui est sûrement le plus connu de tous. Qui est un artiste anglais de renommée internationale. Damien Hirst est né en 1965. Il est considéré comme le rebelle de l'art contemporain anglais pour ses excès, pour son attitude provocatrice. Par exemple, il s'était mis une cigarette dans le pénis face aux photographes, face aux médias. Enfin voilà, il est comme ça. Il a eu de gros problèmes de drogue, de gros problèmes d'alcool. Bref, c'est comme une espèce de rockstar de l'art contemporain. Et en 1990, donc après des études d'art plastique, et puis après quelques expositions qui ne s'étaient pas faites remarquer, donc en 1990, il se fait remarquer par Charles Saatchi pour son œuvre A Thousand Years. Alors, cette œuvre-là, c'est une installation animalière, la première installation animalière que Damien Hirst fera, puisqu'ensuite donc il y a une longue série qui s'en suivra. Et cette installation est composée d'une cage en verre remplie de mouches et de vers, d'asticots, en train de se nourrir d'une tête de vache pourrie. Sympa. Donc, je parle d'authentiques asticots et d'une authentique tête de vache pourrie. Hein, c'est pas fait en fibre de verre, c'est du vrai. Et l'idée, c'est de reproduire carrément une espèce d'écosystème dans un cube de verre, puisque quand les asticots, tu vois, arrivent à maturation, ils se transforment en mouches. Puis ces mouches pondent des larves qui se nourrissent de la tête. Bref, voilà. Alors, quand Charles Saatchi, qui est un richissime homme d'affaires et un collectionneur d'art, voit ça, donc sa mâchoire se décroche. Il a jamais vu un truc pareil, il décide d'acheter parce qu'il sent, à tous les sens du terme d'ailleurs, il sent qu'il y a quelque chose à faire avec ça, et donc il propose à Damien Hirst de financer tout ce que l'artiste voudra créer. Alors le résultat est exposé en 1992 à la galerie Saatchi, et elle se nomme « L'impossibilité physique de la mort dans l'esprit d'un vivant ». Alors l'œuvre en question est constituée d'un requin conservé dans du formol à l'intérieur d'un caisson de verre, et à partir de là, on commence à parler de Damien Hirst. Hein, ce requin, le grand public en a entendu parler. On l'a souvent vu dans des magazines, dans des émissions de télévision. Et il y a de nombreux détracteurs à partir de ce moment-là qui considèrent que ce n'est pas de l'art. D'ailleurs, il y a une équipe de plagieurs qui ont fait la même chose, qui ont pêché un requin, qui l'ont gélifié, qui l'ont installé dans un caisson de verre et qui ont écrit en gros dessus « Un requin mort n'est pas de l'art ». Donc voilà, il y a beaucoup de détracteurs aussi qui reprochent à Damien Hirst le fait de s'amuser un petit peu finalement avec la crédulité du public et de faire un petit peu n'importe quoi. Mais cette œuvre a quand même suscité une vraie question artistique lorsqu'il a fallu remplacer le requin pourrissant, parce que forcément il est en train de se désagréger, et on a essayé à un moment donné de le vider et de remplacer l'intérieur par justement de la fibre de verre, etc., ce type de matériaux artificiels, mais Damien Hirst n'était pas satisfait, parce que pour lui, le requin artificiel sonnait vraiment faux. Il n'avait pas de... Le côté artistique pour lui, c'était le fait que ce soit Que ce soit un vrai requin. Donc, il trouvait que le requin n'avait pas de poids, en étant vidé de ses entrailles, et il avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, il a décidé de remplacer le requin. Un autre requin a été pêché. Il a été commandé à un pêcheur australien, etc. Et là, ça a suscité une question. Est-ce que c'était une œuvre différente du fait qu'il y avait un autre requin? Ou est-ce que c'est seulement l'intention qui compte? Alors voilà, il a soulevé cette question artistique-là, et il y a pas mal de critiques d'art qui se sont posé la question. Est-ce que c'est la même œuvre? C'est comme si on retouchait un tableau à la peinture. Voilà, donc est-ce que c'est le même truc, ou est-ce que c'est juste l'intention de mettre un requin comme ça dans un caisson qui est l'art lui-même. Formol? Alors, c'est en 1993 que Damien Hirst obtient sa renommée internationale avec Mother and Child Divided. Alors cette œuvre, qu'est-ce que c'est? C'est une vache et un veau scindés en plusieurs parties, exposés dans des caissons de verre. Et cette œuvre-là, vous la connaissez sûrement, parce que c'est sans doute l'œuvre la plus connue de Damien Hirst, et elle a notamment inspiré l'esthétique de certains films, comme par exemple The Cell, qui est ce film fantastique, horrifique, avec Jennifer Lopez notamment, dans lequel on peut voir un cheval scindé en plusieurs parties. Non, vraiment, le film, en tout cas, visuellement, est assez hallucinant. Oui, non, mais je dis pas ça ironiquement. Ah oui. Non, justement, parce que l'auteur s'est inspiré de beaucoup d'artistes contemporains, et donc on voit un cheval scindé en plusieurs parties, tout à fait dans l'esprit de la vache de Damien Hirst. Et donc Hirst, dans la plupart de ses œuvres, interroge la frontière qu'il peut y avoir justement entre la vie, la mort. C'est souvent très très macabre, très morbide, et puis très réel. Hein. Il joue avec l'organique, c'est ça qui le fait triper. Et il faut savoir qu'avant d'être un artiste, il avait notamment travaillé dans une morgue, donc ça l'a profondément marqué apparemment, et c'est quelque chose qui revient très souvent. Et vous allez voir que dans les artistes que j'ai sélectionnés ce soir, qui sont sûrement parmi les plus dérangeants et les plus dérangés de l'art contemporain, on retrouve systématiquement ce thème de mort, d'organique. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors en 1995, les responsables de la santé publique de New York bannissent l'installation intitulée Too Fucking and Too Watching d'un musée. Voilà, c'est carrément banni d'un musée new-yorkais. Alors il s'agit d'une vache et d'un taureau en train de pourrir, tout simplement. Et là, les services sanitaires craignent carrément des vomissements chez les visiteurs, donc ils décident de retirer l'œuvre entre guillemets. Et Damien Hirst, parallèlement à ces œuvres-là. Donc c'est un couple. C'est des animaux posés à même le sol en train de pourrir. Alors, ça se résume à peu près à ça. Quoi. Alors très honnêtement, j'ai cherché l'image de l'œuvre en question. Je ne l'ai pas trouvée, donc je ne pourrais pas dire exactement en quoi ça consiste. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a dans cette œuvre-là une vache et un taureau en train de pourrir. Et c'était suffisamment sale en tout cas pour que les services sanitaires s'en inquiètent. Alors parallèlement à ce type d'installation-là, Damien Hirst s'adonne également à des œuvres plus classiques, puisqu'il fait aussi de la peinture. Il a inventé les peintures à base de points, donc c'est des alignements de points de couleurs qui ont été repris plus tard, justement, dans les arts graphiques en général, comme c'est souvent le cas de l'art contemporain, qui est repris comme ça. Il a fait également des tableaux tournants, donc c'est des espèces de plateaux ronds qui tournent et il fait couler de la peinture dessus. Et en fait, Damien Hirst, c'est un petit peu la caricature de l'art contemporain comme le grand public peut l'imaginer, c'est-à-dire que c'est des gens qui font un petit peu n'importe quoi et qui comptent sur la crédulité du public pour l'acheter. Alors Damien Hirst, ce qu'il répond à ses détracteurs quand on lui dit « Oui, mais n'importe qui peut empailler un requin, n'importe qui peut faire ci ou ça », il dit « Bah écoutez les gars, fallait le faire. » Faites-le, ouais. Parce que le truc, c'est d'avoir l'idée, donc. Et en plus de ça, c'est même pas Damien Hirst qui crée ses œuvres, parce que bon, aujourd'hui il est multimillionnaire, en fait il a carrément une usine, et il ne pose même plus les mains sur l'œuvre, hein. Il se contente d'avoir des idées bizarres, et donc il a des assistants qui exécutent à sa place, donc c'est pas lui qui peint. Et puis il y a un riche collectionneur d'art qui avait acheté un de ses tableaux circulaires, et il a appris par la suite que c'était les enfants de Damien Hirst qui l'avaient fait, donc des enfants de 4 et 6 ans qui avaient jeté de la peinture sur le truc qui tourne. Donc voilà. Alors en 2002, Hirst se fait remarquer pour avoir dit que les attentats du 11 septembre constituaient une sorte d'œuvre d'art à part entière, et que les responsables devraient en être félicités d'une certaine manière. Alors évidemment, tollé général, il s'est excusé très vite par la suite, et en 2007, Hirst décroche successivement deux records. Au mois de juin, donc c'est très récent, il devient l'artiste le plus cher vendu de son vivant avec une œuvre intitulée Lullaby Spring. Alors c'est juste une armoire de verre qui est remplie de pilules peintes à la main. La pièce est adjugée 19 millions de dollars. Et en août, Hirst explose ce même record. Donc, en l'espace de 2 mois, il réussit à battre ce record avec la vente de For the Love of God, qui est un crâne incrusté de diamants adjugé 100 millions de dollars. Alors, la pièce s'appelle For the Love of God parce que sa mère lui aurait dit à Damien Hirst, mais pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu vas trouver la prochaine fois? Et donc, il a appelé la pièce For the Love of God, pour l'amour de Dieu. Damien Hirst, évidemment, n'a pas terminé son parcours. On imagine qu'il a sûrement des idées encore plus tordues dans la tête, et puis il n'arrête pas de dire justement que lui, ce qui l'inspire bien plus que l'art, c'est les gens, c'est des mots, c'est des idées. En fait, il cherche des idées bizarres pour les faire exécuter à ses assistants. Aujourd'hui, donc, il est multimillionnaire. Il vit dans une énorme ferme, une ancienne auberge de 300 ans en Angleterre. On ne se fait pas trop de soucis pour lui. Damien Hirst, c'était sûrement le plus connu, le plus important. Je voudrais continuer avec un Belge qui s'appelle Wim Delvoye, que vous ne connaissez pas forcément, mais vous connaissez sans doute son œuvre principale. Alors, Wim Delvoye, c'est donc un artiste belge né en 1965, qui s'est fait connaître avec la célèbre cloaca. Alors, cloaca, c'est un tube digestif humain géant et fonctionnel qui marche. Donc, c'est une machine à faire de la merde, très concrètement. Alors, la première version de cloaca est présentée en 2000 au musée d'Anvers, en Belgique. Elle mesure 12 mètres de long, 2 mètres de haut. Elle est composée de 6 cloches de verre reliées par une série de tuyaux et de pompes. Alors, les cloches contiennent des sucs digestifs, des enzymes, qui sont contenus dans le corps humain. L'installation est maintenue à la température du corps, 37,2, et elle digère les aliments qu'on lui donne 2 fois par jour pour, au final, produire des excréments. Donc c'est un énorme gâchis de nourriture, c'est insupportable, on vient nourrir la machine, réellement, et c'est souvent avec des plats très fins. Il y a des grands chefs qui ont accepté de faire des plats pour cloaca. Donc c'est immonde. Et alors, la machine, en plus de ça, a fait le tour du monde. Elle a été déclinée en 4 versions. Et les excréments qu'elle produit sont emballés sous vide. Ils sont vendus. Alors, ils sont marqués d'un logo qui parodie, par exemple, celui de Coca-Cola, celui de Ford. Et ils sont vendus aux environs de 1 000 $ pièce. Voilà. Donc, derrière cette machine, il y a un message anticapitaliste, évidemment. Et puis Delvoye interroge aussi l'art lui-même, hein, finalement. Il dit, bah voilà, l'art, qu'est-ce que c'est à part une grande machine à faire de la merde que tout le monde s'arrache à prix d'or. Donc voilà, c'est très très provocateur vis-à-vis de l'art, vis-à-vis du capitalisme, vis-à-vis de beaucoup de choses. Et pour concevoir le mécanisme très complexe de cloaca, Delvoye s'est entouré de plusieurs scientifiques, plusieurs ingénieurs. C'est pas lui qui l'a fabriqué, hein. Lui, il a eu l'idée, encore une fois, et elle a été conçue par des spécialistes, par des scientifiques. Ce qui est d'autant plus absurde que la machine ne sert à rien du tout, vraiment. Et c'était un début de Delvoye, de concevoir une machine absurde qui soit une fin en soi, comme un être humain. Finalement, l'être humain est une fin en soi. Il mange, il fait caca, et puis voilà, on lui demande pas de faire autre chose. Et ben là, la machine, c'est un petit peu pareil. Il voulait faire une espèce de machine qui se suffit à elle-même et qui est un objet de culte, parce que c'est le cas. Dans chaque exposition, la machine est exposée très sérieusement, très solennellement, et on vient l'admirer en silence, comme ça, digérer tranquillement. Alors, c'est une expérience assez particulière. Et depuis, donc, Wim Delvoye a installé une ferme très spéciale en Chine. Donc c'est sa nouvelle œuvre. Ça s'appelle la Art Farm. Alors, c'est une ferme qui est remplie de cochons qui vivent librement, et l'artiste les fait tatouer. Alors, c'est ça qui est génial dans l'art contemporain, c'est qu'il n'y a pas de limite. Voilà, à peu près tout ce qu'on peut faire sous l'égide de l'art contemporain, sous ce terme générique, est accepté. Et on peut tout faire là-dessus. Et c'est ça qui est drôle, c'est que voilà, des fois, il y en a qui ont des idées plus extrêmes que d'autres, et on arrive à des résultats qui peuvent évoquer des cauchemars vivants, des images, des situations qu'on n'aurait jamais pu imaginer voir dans le monde réel. Et donc là, voilà, il y a ces cochons qui vivent librement dans cette ferme, ils sont tous tatoués justement parfois par des logos commerciaux, Yves Saint Laurent, etc. Enfin, c'est assez pittoresque. Et le concept, c'est que cette ferme va devenir une société anonyme avec des actions, et les différents actionnaires qui vont investir vont contribuer directement au développement de l'œuvre, et ils pourront observer les cochons par webcam et suivre l'évolution de cet art vivant dans lequel ils ont investi. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau projet de Wim Delvoye. Et puis forcément, comme à chaque fois avec ce type d'artiste, ça crée des polémiques, puisqu'on se dit ces pauvres cochons qui vivent les uns sur les autres et qu'on tatoue, voilà, est-ce que ça respecte bien le droit des animaux, etc. Mais vous allez voir qu'il y en a qui vont beaucoup beaucoup plus loin en ce qui concerne justement les droits des animaux, mais on en parlera juste après la première pause. Restez avec nous. We'll be right back. Prise 7, le magazine de l'étrange et de l'insolite. À l'instant, c'était M83 sur Rage, et juste avant la pause musicale, je vous parlais des artistes contemporains particulièrement barrés, particulièrement extrêmes. Et donc, ça va aller crescendo. J'ai démarré avec Damien Hirst, qui est le plus connu, qui est devenu l'artiste le plus cher de son vivant, à 100 millions de dollars pour ce crâne incrusté de diamants. Je vous ai ensuite parlé de Wim Delvoye, le créateur de Cloaca, cette machine à faire de la merde, très concrètement, qui en plus coûte une fortune à installer. Et on passe à la vitesse supérieure avec un certain Marco Evaristi, dont vous avez peut-être entendu parler par le biais de cette œuvre qui a créé une véritable polémique, et vous en avez tous entendu parler puisque elle est devenue assez symbolique, assez symptomatique des scandales causés par les œuvres d'art contemporain qui ne s'imposent pas de limites éthiques. Alors Marco Evaristi est un artiste danois qui est né au Chili. Est un artiste danois qui est né au Chili en 1963, et son nom a fait les gros titres de la presse en l'an 2000. Lors d'une exposition au musée Trafolt au Danemark, et il y présente une œuvre qui est intitulée Hélène, constituée, comme son nom ne l'indique absolument pas, de 10 mixeurs branchés contenant des poissons rouges vivants. Alors on a tous entendu parler de cette affaire-là. Alors les visiteurs pouvaient allumer les mixeurs, et d'ailleurs certains ne s'en sont pas privés, ce qui a provoqué évidemment le scandale qu'on sait. Le directeur du musée, Peter Meyer, fut inculpé de cruauté envers les animaux, c'est lui qui a écopé de la responsabilité. Il a été ensuite relâché, et le but revendiqué de Evaristi avec cette œuvre-là, c'était d'interroger la conscience des visiteurs et d'explorer la fine ligne entre l'existence et le néant, puisqu'en appuyant sur le bouton, les poissons devenaient de la soupe de poissons, et puis surtout, voilà, les visiteurs avaient le libre arbitre. Voilà, et c'est pour ça que ça aurait été complètement paradoxal de condamner le directeur du musée ou l'artiste pour ça. La responsabilité, justement, venait aux visiteurs, puisque c'était un test, en fait. Et puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la mort affiché dans ce type de contexte prend une dimension totalement différente. Et c'est un petit peu le cas aussi des œuvres de Damien Hirst, donc avec cette vache coupée en deux, cette tête de vache avec ses asticots, etc. Le fait de se retrouver dans un musée donne une ampleur considérable aux choses. C'est le cas par exemple de la pissotière de Marcel Duchamp. Cette pissotière-là, si on la trouve dans une toilette, des toilettes publiques, on s'en aperçoit absolument pas, mais le fait d'être exposé dans le contexte d'un musée sur un socle, tout à coup, ça lui donne une autre dimension. Tout à coup, on se met à réfléchir dessus, et puis là, c'est pareil, des poissons dans un mixeur, je veux dire, des poissons, on en mange tous des tas par jour, des sardines, etc., des poissons panés, des poissons morts, il y en a en permanence, qui sont éliminés à la chaîne par l'industrie, mais le fait d'être disposé comme ça dans un musée, sur un socle, donc dans un contexte très particulier, tout à coup, ça fait réfléchir sur la cruauté de la chose, vraiment, ça la met en lumière, et donc voilà, ça avait provoqué un tollé à l'époque, et Marco Evaristi ne s'était pas arrêté là, puisqu'en 2004, il peint la partie immergée d'un iceberg en rouge, alors qu'on est en plein réchauffement de la planète, on est en plein cataclysme écologique. Lui, il va carrément au Groenland, il peint un iceberg en rouge avec 3 millilitres de peinture pour, selon lui, décorer la nature, puisqu'elle nous appartient à tous. Donc, visuellement, il faut reconnaître que ça a de la gueule quand même. Ah, ça claque. Et puis, c'était pas le seul, il y avait aussi un autre artiste qui était allé peindre des rochers en bleu dans le désert du Sahara. Bon, là, c'est pas exactement la même démarche, hein, puisque bon, c'est un iceberg. Tout à coup, il y a une espèce de connotation comme ça écologique. On sait qu'ils sont en train de fondre, que c'est très précieux. Donc c'est vrai que c'était assez particulier. Et en 2007, il aborde le domaine du cannibalisme, puisqu'il crée 48 boulettes de viande à partir de sa propre graisse liposucée. Alors, il les met en boîte. Il les vend 4000 dollars la boîte de 10, hein, de boulettes de viande humaines. Et le but de sa création, c'est de savoir si manger de la chair humaine reste du cannibalisme si elle devient de l'art. Puisqu'effectivement, ces boulettes de viande, ça devient de l'art, c'est artistique, donc à partir de là, c'est plus vraiment de la chair humaine. Alors est-ce que ça reste du cannibalisme si on les mange? Et il a organisé un repas à l'époque avec des amis très proches à lui, il avait préparé des pâtes et qui étaient surmontées de ces boulettes humaines liposucées qui devaient être sûrement très bonnes en plus, hein, c'est ça le truc, on imagine que ça devait être bien préparé. Et donc il fait parler de lui en 2007 assez récemment, lorsqu'il recouvre le sommet du Mont Blanc avec une bâche rouge. Donc c'était dans la continuité directe de ce qu'il avait fait au Groenland. Et deux jours avant, il avait été arrêté pour avoir tenté de peindre le pic en rouge, donc le Mont Blanc en rouge, afin de sensibiliser l'opinion, cette fois-ci, sur la dégradation de l'environnement. Bon, bah alors, c'est bien beau de vouloir sensibiliser l'opinion là-dessus, mais il dégrade l'environnement directement en le faisant. J'espère donc qu'il le fait avec des peintures biodégradables. J'imagine que oui. En tout cas, voilà, comme il a été arrêté, il s'est contenté de le recouvrir d'une bâche rouge. Mais bon, vu la taille du Mont Blanc, évidemment, il fallait être quand même très très près du sommet pour la distinguer. Okay. C'est la dernière exaction de Marco Evaristi, mais on imagine volontiers qu'il a encore pas mal de provocations en réserve. On continue avec un mouvement artistique chinois totalement underground, au nom très inquiétant, puisque ce groupe s'appelle le mouvement Cadavre, tout simplement. Et si j'en parle, c'est pour parler de l'œuvre de Sun Yuan, qui est un jeune artiste chinois issu de ce mouvement, d'artistes chinois donc, qui utilisent du matériau humain dans leurs œuvres. Alors en 1999, il expose une installation dans un lieu clandestin de Pékin, puisque forcément c'est tout à fait interdit. Il s'agit d'un nouveau-né mort couché en position fœtale sur une tête de vieillard décapité qui émerge d'un lit de glace. Alors l'exposition se termine au bout de la journée, alors que la glace a fondu. L'œuvre est intitulée « Le miel ». Et d'après l'artiste, c'est plus un acte d'amour qu'un acte de violence. Donc ensuite, l'interprétation de l'artiste, elle dépend que de lui. Chacun y verra ce qu'il veut, mais concrètement, on a quand même ça. On a quand même ce cadavre et cette tête coupée. Alors l'œuvre, qui était évidemment inenvisageable dans une exposition réelle, officielle, et puis surtout dans d'autres pays. Donc elle a été présentée en photo dans plusieurs villes européennes. Et forcément, à chaque fois, elle crée un vrai choc. Et pour expliquer l'existence même de ce type d'installation-là, il y en a certains qui pensent que ce type de matériau est plus facile à obtenir en Chine, de la part de directeurs de morgues peu scrupuleux, par exemple, et que l'utilisation des cadavres est plus aisément acceptée par la tradition chinoise. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on peut expliquer que c'est arrivé. Mais vous allez voir tout à l'heure avec le docteur Gunther von Hagens que finalement c'est arrivé aussi chez nous en Europe, non sans provoquer justement d'énormes polémiques. C'est avec lui que je terminerai. Avant de passer à Gunther von Hagens, je voudrais parler de l'œuvre de Xiaoyu Yu qui s'est fait connaître en 2001. Qui est également un artiste chinois et qui a provoqué une vive polémique au Kunstmuseum de Berne. Il y présente une œuvre intitulée Ruan, qui est plus connue aujourd'hui sous le nom de Bébé Mouette. Voilà. Alors, il s'agit d'une tête de fœtus féminin avec des yeux de lapin cousus, assemblés sur le corps d'une mouette qui baigne dans du formol. Donc, c'est un peu un mix de tous les artistes qu'on a pu voir jusqu'à présent. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le formol, il y a le cadavre animal. C'est le summum. Une tête de fœtus, c'est la totale. Et là, en plus, pour le coup, bon, bah, c'est une grande exposition. Ça se passe à Berne, en plus, en Suisse. Donc, c'est quand même top class. Et selon les dires de Xiao Yu, c'est un homme chargé de nettoyer un hall d'exposition scientifique en Chine, qui lui a vendu le fœtus en 1999. Le bocal était alors muni d'une étiquette qui était écrite à la main et qui expliquait que c'était un embryon de sexe féminin des années 60. Et vu le développement de la tête, on pense que c'est sûrement un fœtus d'à peu près 6 mois issu d'une fausse couche. Voilà. Donc il y en a qui pensaient que Xiao Yu avait carrément poussé une femme à l'avortement pour obtenir ce fœtus, etc. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup d'encre coulée autour de ça. Apparemment, voilà, ça serait une fausse couche qui aurait eu lieu dans les années 60. Le fœtus aurait été récupéré pour des expos médicales. Et voilà comment il se serait accaparé cette tête-là. Alors il y a une plainte qui fut déposé à l'époque, hein, et face à cette controverse, le musée décida de retirer l'œuvre de l'exposition, et aussi parce qu'elle éclipsait totalement les autres œuvres, les gens venaient pour voir ce truc-là et pas autre chose. Alors, Xiao Yu, c'est un artiste qui travaille sur la démarcation entre l'homme et l'animal, c'est ce qu'il fait triper, c'est pour ça donc qu'il avait créé une espèce de créature hybride, voilà, une chimère mouette bébé, et ce qui l'intrigue également, c'est les limites de l'éthique, voilà, savoir jusqu'où on peut aller dans l'art et jusqu'où on peut aller trop loin, quoi, hein, voilà, explorer un petit peu les réactions du public, mais il faut savoir que ce bébé mouette donc n'est pas sa première œuvre provocatrice, puisque dans une autre installation, il avait fait coudre ensemble des souris de laboratoire vivantes, il les avait exposées dans un bocal. Et là, j'estime que c'est là qu'est la limite, quoi, parce qu'à la limite, quand on interroge la subjectivité du public, ça ne regarde que lui, il y a pas de problème. Si les gens veulent assister à ce type d'installation, tant mieux. S'ils veulent pas, bah, tant pis. Mais là, ce qu'on n'interroge pas, c'est la subjectivité de la souris, quoi, en l'occurrence. Hein. Donc, on avait deux souris vivantes qui étaient cousues, qui ont sûrement dû souffrir. Donc ça, voilà, moi, j'estime que c'est un petit peu la limite, là, quand même. Mais bon. Vu que c'est encore des êtres vivants, effectivement, qui ressentent la douleur, etc., c'est vrai que c'est un peu limite, effectivement. Mais alors après, voilà, il te dira, dans les laboratoires, à but scientifique, on va les faire souffrir sans doute 100 fois plus aussi. Donc, voilà, et la question, c'est, vu que justement, les expériences menées sur les animaux de laboratoire sont controversées alors qu'elles sont censées faire avancer la science, ouais. Dans le domaine de l'art, là, on se dit que c'est vraiment pas oui, la peine que, de faire souffrir des bêtes. On est d'accord. Ouais. Parce que le coût des poissons, encore une fois, comme on le disait, ça dépendait du public hein, de les tuer ou pas. Là, bon, les petites bêtes n'avaient rien demandé. Et on termine avec sûrement le plus frappé de tous, Gunther von Hagens, qui est un anatomiste allemand. C'est même pas un artiste en réalité. Hein. C'est un anatomiste, un spécialiste, qui a eu son diplôme de médecine. Donc c'est un docteur. Il est né en 1945 et il est très très controversé. Il a inventé la plastination. C'est un procédé qui permet de conserver des tissus biologiques et donc par conséquent des cadavres humains. Donc je vous l'avais dit, hein, c'est toujours basé autour de ce thème-là parce que c'est ça qui provoque le scandale, qui provoque le trouble choquer, des foules. Voilà, pour choquer surtout à notre époque, il faut frapper forcément très fort sur des thèmes qui font mal. Donc là, en l'occurrence, voilà, on peut pas faire pire. Et donc cette technique, la plastination, ça consiste à remplacer entre autres le sang, l'eau et la graisse par des polymères, donc par des matières synthétiques. Et ensuite, ça donne des sculptures organiques assez impressionnantes. Je pense que vous les avez déjà vues à la télévision, parce qu'à chaque fois qu'il y a une de ces expos, forcément, ça fait parler. Alors, ce docteur Von Hagen, c'est un véritable personnage. Il a toujours un chapeau noir vissé sur la tête. Hein, on dirait un petit peu un agent de la Gestapo. C'est assez particulier. Et donc, il s'est fait connaître du grand public en 1995, lors du lancement de son expo qui s'appelle Body Worlds. Alors, aujourd'hui, l'expo en est à sa 3e édition. Et c'est toujours le même principe, ça montre des corps et des organes humains plastinés dans diverses situations. Alors pour Von Hagens, cette expo, c'est plus une manière de démocratiser l'anatomie qu'une véritable exposition artistique. Hein. Pour lui, c'est purement éducatif. Et il insiste sur le fait qu'il ne veut pas déshumaniser les sujets. Alors c'est pourquoi ils sont toujours présentés en mouvement, dans des positions qui évoquent leurs activités humaines passées. Donc ils sont en train de courir, ils sont en train de manger, etc. Et c'est des gens qui, de leur vivant, ont signé leur accord. Hein, pour que leur corps donc soit utilisé par la science, puisqu'en l'occurrence vu que c'est un médecin et vu que c'est des expositions scientifiques à vocation médicale, c'est un petit peu un don à la science quoi. Alors toutes les controverses qui sont suscitées par ces expositions sont tellement importantes que en Allemagne l'expo a carrément été bannie, c'est-à-dire que dans le pays même du docteur Von Hagens, l'expo a été arrêtée. Trop de démêlés judiciaires, donc il a décidé de lâcher l'affaire. Mais ça l'a pas empêché donc d'aller peut-être encore plus loin, puisqu'en 2002. Oui. Non, mais parce que en fait, je me demandais aussi quand même là dans ce genre d'œuvre, c'est des cadavres qui ont quand même qui avaient une famille. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, donc ça veut dire que les gens peuvent identifier un de leurs proches exposé. Alors, le truc, c'est que c'est des écorchés en fait. Hein. Ouais. On voit des d'accord, muscles. Oui, donc on voit plus l'apparence extérieure. C'est des écorchés. Parfois même, il y a plus que les vaisseaux sanguins. Enfin, il a. D'accord. Il a plutôt testé l'intérieur qu'on voit que l'extérieur. Voilà, il a testé plusieurs formules de plastination. Il y a une des œuvres dans laquelle on voit. Un corps, mais composé carrément de vaisseaux, donc c'est très très particulier. On dirait des figures anatomiques de dictionnaire, mais en vrai, donc c'est assez impressionnant, mais on ne reconnaît pas les personnes. Alors, comme je vous le disais, il est allé peut-être encore plus loin en 2002, puisqu'il a réalisé la première autopsie publique en Angleterre depuis 170 ans, dans un théâtre londonien. Alors la séance affichée complète, puisque bon, bah, les gens aiment ça, très clairement ça ne fonctionnerait pas sinon. 500 personnes sont venues assister à cette autopsie, et elle a été retransmise sur Channel 4. Et là, il y a eu 130 plaintes, carrément, pour cette diffusion d'autopsie. Et d'ailleurs, il y a eu quelques démêlés judiciaires, puisque le gouvernement estimait que c'était hors la loi de faire une autopsie publique en fonction d'une certaine loi. Et finalement, ça s'est bien passé. Il y avait des policiers lors de l'autopsie, mais ils ne sont pas intervenus, donc ça a pu se dérouler normalement. Et en 2004... Hagens a proposé une pension à vie au basketteur russe Alexandre Sisonenko si celui-ci acceptait d'être plastiné après sa mort. Alors, Alexandre Sisonenko Il fait 2m39, c'est le plus grand basketteur de l'histoire. Et bon, aujourd'hui, il s'est arrêté parce qu'il souffre de problèmes de santé assez importants. Et c'est pour ça que Huggins s'est dit, tiens, peut-être qu'il en a plus pour très longtemps. C'est l'occasion de me payer un mec de 2m40, voilà. Donc il a proposé une pension à vie, l'autre a refusé. Peut-être que ça aurait été un bon moyen de passer à la postérité. En tout cas, on ne le saura jamais. Et Huggins continue donc encore régulièrement ses expositions. Et si vous avez l'occasion d'ailleurs d'en voir une, bon, sauf si vous êtes très sensible, mais je pense que ça doit être une expérience particulièrement étonnante et assez unique en tout cas. Voilà. C'était les artistes contemporains les plus barrés que j'ai pu trouver en tout cas, les plus extrêmes, les plus trash, qui suscitent systématiquement des polémiques. On marque une pause dans cette émission. Restez avec nous, on se retrouve juste après. My heart is under arrest again, but I break loose. Case 7, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Les Foo Fighters à l'instant avec The Best of You et ça s'inscrit dans une certaine logique puisque Thomas à présent va nous raconter une histoire liée aux ovnis. Aux ovnis et à une époque où en fait on pensait pas pouvoir avoir affaire à des phénomènes ovnis, c'était pendant le premier conflit dans les années 40 et vous allez voir que cette histoire intitulée La bataille de Los Angeles est assez surprenante. Alors en fait elle commence le 7 décembre 1941 quand les forces aériennes japonaises décident de bombarder Pearl Harbor. Ce qui évidemment va entraîner, on le sait tous, l'intervention des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, à ce moment-là, la population américaine commence un petit peu à angoisser et craint évidemment une attaque japonaise sur leur propre territoire. Alors les semaines suivantes l'attaque de Pearl Harbor, la côte ouest subit en fait plusieurs blackouts. Et d'après les déclarations de l'armée américaine, les menaces d'un raid aérien en Californie étaient à prendre très très au sérieux. Ils avaient effectivement peur que des kamikazes japonais traversent le Pacifique pour venir s'écraser directement sur leur ville ou voire même les bombarder tout simplement. Alors, la menace planait au-dessus de Los Angeles et le 8 décembre 1941 à 18h, des aéronefs non identifiés sont détectés à 150 km du Golden Gate, et la côte ouest américaine expérimente là sa première alerte, donc accompagnée évidemment de hurlements de sirènes. Les premiers rapports tombent et indiquent en fait qu'il s'agissait d'un raid d'une cinquantaine d'avions appartenant aux forces ennemies, sans toutefois réussir à identifier quelles étaient ces forces ennemies ni quels étaient les types d'appareils. La nuit suivante, deux alertes vont retentir, la première à 1h45, la deuxième à 2h02. Évidemment, pareil, les rues de San Francisco résonnent des hurlements des sirènes. Et là, le lieutenant général John L. DeWitt avertit que si une attaque devait se produire, la Californie devait être prête à riposter. Et c'est pour ça que le mercredi 10 décembre 1941, une bonne partie de l'ouest des États-Unis est plongée dans l'obscurité peu après 20h. Plongée dans l'obscurité volontairement pour que la DCA, donc la défense contre les avions, puisse être en état d'alerte et tirer grâce à leurs projecteurs sur des avions dans le ciel sans être gênés évidemment par la lumière de la ville. Et évidemment, c'est ce qui va se passer donc ce 10 décembre 1941. Alors l'état d'alerte est lancé et ça va durer comme ça 2 jours jusqu'au 12 décembre à 19h20. Quand effectivement des avions non identifiés refont leur apparition et sont repérés du côté de San Mateo. Là, l'armée va tout de suite faire des déclarations de presse, assurer à la population que les raids aériens étaient bel et bien des raids aériens de japonais et que malgré les rapports qui décrivaient des avions volant au-dessus de la côte ouest de forme vraiment non identifiée puisque certains étaient en forme de V, d'autres en forme de C. Ouais. Bref, les classiques qu'on connaît aujourd'hui, mais qui à l'époque n'existaient pas encore, vu qu'on n'avait pas du tout encore identifié de phénomène OVNI. Puisque, juste si tu me permets de le rappeler, on en avait parlé il y a 2 semaines, donc dans l'émission spéciale OVNI, on avait reçu 2 invités pour ça, et la première observation officielle en fait d'OVNI, c'était en 47 avec Kenneth Arnold, qui a donc lancé d'ailleurs le terme de soucoupe volante. Et toi, ton histoire se passe en 41. En 41, tout à fait. Alors, la nuit du 23 février, un sous-marin japonais émerge près de Santa Barbara, fait feu sur une raffinerie à Goleta, au nord-ouest de Santa Barbara, et évidemment cause de graves dommages, mais des dommages inversement proportionnels, je dirais, aux inquiétudes grandissantes de la population qui stresse de plus en plus, parce que malgré les discours de l'armée rassurants, disant que c'est des raids aériens de l'ennemi, enfin rassurant, c'est quand même toujours des raids aériens de l'ennemi, la population était franchement très sceptique, surtout que là, de nombreux témoignages commencent à circuler, notamment des gens, enfin plusieurs, même centaines de gens qui disent avoir vu des objets faire des virages à 90 degrés, ce qui était totalement impossible et qui l'est toujours d'ailleurs normalement pour des avions, se fondre, disparaître littéralement, c'est-à-dire qu'ils voyaient la lumière dans le ciel et puis elle disparaissait pas progressivement mais subitement, comme si l'objet se téléportait en pleine nuit. Donc ça collait pas vraiment avec des avions, ou en tout cas si ça correspondait à des avions ennemis, c'était des avions ennemis avec une technologie jamais vue et donc forcément très inquiétante. Donc il y avait une réelle sensation de peur à ce moment-là dans les rues. Alors comme je disais, une grande partie des témoins n'a jamais été convaincue par ce raid aérien, et notamment, par exemple, le 6 février, la DCA fait feu sur un objet non identifié. Alors, le rapport officiel de l'armée présente cela comme une cinquantaine d'avions volant en formation serrée. Or là, une grande partie des témoins sont convaincus qu'il ne s'agissait pas de 5, de 15 ou voire 20, même de 50 avions, comme l'affirment les autorités, mais bel et bien d'un énorme objet indestructible parce que il s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises et tout le monde a vu les salves et les cartouches de DCA. Il y en a eu cette nuit-là plus de 1400 tirés dans le ciel, toucher l'objet sans que l'objet ne tombe au sol ou s'écrase, sans même qu'on voit la moindre explosion à sa surface. Donc ça a laissé quand même les témoins plutôt sceptiques quant à l'hypothèse que ça serait de simples avions. Alors, les témoignages sont divers, je vous en donne quelques-uns. Voilà, alors de nombreux témoins qui affirment avoir vu clairement un V dans le ciel, des reporters sérieux, par exemple du Los Angeles Times, qui disent avoir vu un objet mais ne pas avoir pu l'identifier. Pareil du New York Times qui disent avoir vu des cigares faire des virages à 90 degrés, donc des gens avec des témoignages très sérieux et puis appuyés aussi par un nombre conséquent de gens dans la rue. Donc à ce sujet-là, le mystère reste complètement entier. Et l'armée en fait va se borner à expliquer que l'engin en fait qui n'a pas été identifié n'était en fait qu'une sorte de pseudo-roquette tentée qui a été lancée par les Japonais. Le problème, c'est que après la guerre, le japonais qui aurait été lancé du sous-marin dont je vous parlais tout à l'heure, qui a bombardé la raffinerie à ce moment-là, le problème, c'est que le commandant de ce sous-marin, après la guerre, affirme, lui, et il est affirmatif là-dessus vraiment, qu'ils n'ont jamais lancé de roquettes sur la ville directement. Alors après, l'armée américaine va essayer de se couvrir en expliquant que ce type de sous-marin avait à son bord des petits avions qui pouvaient décoller une fois le sous-marin en surface. Et là, pareil, le commandant du sous-marin et l'équipage aussi d'ailleurs affirment qu'ils n'ont jamais fait décoller d'avion. Ils se sont vraiment juste contentés de bombarder une raffinerie qui était à la périphérie de la ville. Donc toute cette hypothèse tombe. Et donc, évidemment, ce phénomène inexpliqué va être baptisé la bataille de Los Angeles et fera la une de la plupart des journaux à l'époque, notamment le Los Angeles Times, qui va lui consacrer une pleine page. Et en fait, c'est vrai que là, les autorités, à ce sujet-là, n'ont eu absolument aucune explication, voire même se sont emmêlés les pinceaux, puisque certains généraux ont donné des versions complètement contradictoires avec la version officielle. Alors certains donc disaient que c'était des avions, d'autres qu'il n'y avait absolument rien dans le ciel et qu'en fait c'est juste l'état de stress de l'armée à cette époque-là qui a conduit à ces événements-là et qu'en fait l'armée aurait tiré pendant plusieurs heures dans le ciel mais dans le vide. Or il y a une photo de cette fameuse nuit, une photo qu'on trouve sur internet où l'on voit clairement, donc une photo noir et blanc à l'époque, hein, où l'on voit clairement un objet dans le ciel, éclairé par la DCA avec des gros projecteurs. On voit tout de suite que c'est un gros objet et pas plusieurs petits mis ensemble parce que les faisceaux lumineux sont arrêtés net par cet objet. Ils traversent pas comme s'il y avait des petits espaces entre les différents avions. Donc cette photo, évidemment, est une preuve accablante qu'il ne s'agissait pas de plusieurs petits avions. Du coup, le Sénat et le Congrès américain vont demander des explications. Et là, vide total. À partir de ce moment-là, les dossiers ont complètement disparu. Reste de cette affaire-là uniquement la photo, la couverture du Los Angeles Times et puis les témoins de l'époque qui rapportent ce fait. Alors, est-ce qu'on peut remettre en cause l'authenticité des faits ? Est-ce que ça s'est déroulé réellement ? Est-ce qu'on en est certain ? C'est-à-dire que des milliers de gens ont vu des objets volants identifiés Si toutefois, on peut se fier évidemment aux témoignages de l'époque et puis surtout à la presse aussi de l'époque. Mais on est quand même face à des journaux relativement sérieux, le Los Angeles Times n'étant quand même pas le premier journal à raconter n'importe quoi non plus. Donc on a eu une vague d'objets volants non identifiés. On a des éco-radars aussi, puisque à l'époque, le radar était encore une arme secrète, donc on n'en parlait pas officiellement. L'armée ne pouvait pas dire qu'ils avaient repéré des objets curieux avec des échos assez surprenants sur leur radar parce que c'était une arme secrète, mais ces échos existent, sont archivés, Et effectivement, quand la station radar a prévenu la DCA, les messages qui ont été envoyés étaient clairement « il y a des objets bizarres qui arrivent sur vous, qui se déplacent à des vitesses qui correspondent à ce qu'on ne connaît pas, qui ont des mouvements ou des trajectoires complètement inconnues ». Et ce qui est très intéressant, c'est que suite à cette histoire-là, qui est après un peu tombée dans l'oubli, 5 ans après, on a eu la fameuse vague d'OVNI sur la côte ouest américaine. Et donc, pour certains, aujourd'hui, cette fameuse nuit où ce gros cigare était arrivé au-dessus de Los Angeles, c'était tout simplement un repérage qui aurait permis, 5 ans après, de mener la vague au-dessus des États-Unis. Alors, cette vague-là, qui se déroule donc 7 ans avant la véritable explosion de la mythologie OVNI, hein, puisque, donc, à l'époque, en plus, oui, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que l'ufologie n'existait pas, donc l'hypothèse extraterrestre ne pouvait pas être mise en avant. Ça a même pas traversé l'esprit des témoins. Ils savaient juste pas ce qui se passait. Ils savaient pas ce qui se passait, ou alors ils flippaient très fort parce qu'ils se disaient l'ennemi a une technologie de dingue qu'on maîtrise absolument pas. Et alors la dernière fois qu'une telle vague aurait été repérée, c'était au Mexique. C'était au Mexique. 1998. Et donc une vague vraiment impressionnante. Alors là, pour le coup, il y a beaucoup de vidéos prises sous plusieurs angles d'un même phénomène. Donc c'est Thibaut Canuti qui était là il y a 2 semaines, donc spécialiste du sujet, auteur du livre Un fait maudit, donc que je vous recommande sur le sujet, qui nous a parlé de cette vague là. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. On voit des films avec une espèce d'armada d'objets volants bizarres. Donc imaginez le stress de la population à cette époque, quand ils pouvaient même pas mettre un terme ou à la rigueur une théorie derrière ce genre de choses. Alors quand on voit ça à notre époque, déjà on flippe parce qu'on se dit bon, c'est des ovnis, mais à une époque où on n'arrive même pas à le concevoir, ça doit être comme voir un phénomène limite miraculeux de la main de Dieu qui enverrait des objets dans le ciel sans qu'il y ait de raison. Merci Thomas pour cette excellente histoire. On marque encore une pause musicale et on se retrouve après pour les infos insolites de la semaine. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Les infos insolites de la semaine dans Exocet, c'est le meilleur de toutes les infos bizarres, étranges qui se sont déroulées cette semaine dans le monde. Et on démarre tout de suite avec une équipe de scientifiques japonais menée par le professeur Masayuki Sumida de l'université d'Hiroshima qui a créé une grenouille transparente par croisement génétique. Alors bon, on commence en souplesse avec une petite grenouille transparente. C'est vrai que dans cette émission, surtout dans les infos insolites, souvent on vous parle de cas particulièrement étranges de manipulation comme ça génétique faite en laboratoire. On avait parlé récemment justement de l'hybridation d'ovules humains avec des réceptacles donc animaux, donc des vraies chimères comme ça fabriquées en laboratoire. Là, il s'agit d'une grenouille transparente, donc c'est un petit peu plus soft, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que cette grenouille est un spécimen totalement unique, parce que les animaux transparents vivent d'habitude dans les abysses ou dans certaines grottes souterraines, on le sait, dans des endroits où il n'y a pas de soleil, donc les animaux ne développent pas de pigments, ils sont albinos, ils sont transparents parfois, et donc là, cette grenouille, si elle a été créée, c'est pour pouvoir observer ses organes internes ainsi que ses vaisseaux sanguins sans qu'on ait besoin de la disséquer. Donc très concrètement, on voit à travers comme si elle était en verre. Alors c'est assez particulier et évidemment on peut pas s'empêcher d'imaginer ce que ça pourrait donner si ce type de croisement génétique était fait sur un être humain. Alors je sais pas si vous vous rappelez de ce film The Hollow Man, ouais. Donc l'homme invisible version un petit peu trash avec Kevin Bacon, dans lequel on voit justement l'homme invisible dans sa phase de transition entre le moment où il est visible et le moment où il est invisible, et effectivement on voit juste l'intérieur, ouais. On le voit transparent, mais ça donnerait à peu près ça, et on espère que ce type d'expérience là c'est pas pour tout de suite, parce que voilà, quand même ça sera un petit peu spécial. On continue avec une histoire qui s'est passée à Melbourne. C'est le miraculé du mois, le miraculé, oui, de l'année même d'ailleurs, puisque donc des chirurgiens australiens ont réussi à sauver, mais de manière miraculeuse, un adolescent qui a reçu un pied de chaise en métal dans l'œil. Alors, ce jeune garçon s'appelle Shafiq El-Fakri, il a 19 ans. Il a été admis à l'hôpital de Melbourne avec le pied de la chaise donc enfoncé à peu près 10 cm dans le crâne, donc ça lui traversait la tête et ça descendait jusque dans sa gorge. D'ailleurs ça a partiellement coupé une artère, et il est sorti de l'hôpital jeudi, figurez-vous, parce que ça va, il va bien ce garçon-là, ça semble absolument incroyable, mais il va bien. Et on sait comment il s'est mis un pied de chaise dans l'œil quand même. Alors, déjà, il est sorti 19 jours après être rentré à l'hôpital sans aucun dommage cérébral et sans avoir perdu la vue. Parce que, dingue. Alors vous allez voir, en fait, cet accident assez atroce est arrivé lors d'un combat de bistrot, un banal baston de bar, donc dans un bar de Melbourne, et donc là, il s'est reçu cette chaise de plein fouet et le pied de la chaise lui est rentré dans l'œil, mais ce qui est hallucinant, c'est que le pied a déplacé l'œil, la boule, l'orbite sur le côté. Il est rentré à l'intérieur de l'œil et il est descendu jusque dans la gorge, quoi. Mais donc l'œil n'a pas été percé, il a été poussé sur le côté. Et les pompiers ont coupé la chaise, hein, ils ont juste laissé le pied. Ils l'ont emmené à l'hôpital comme ça, évidemment ils pensaient que c'était terminé pour lui. Et il s'en est sorti indemne, aucune séquelle, donc mis à part donc une artère un petit peu touchée. Mais ce garçon est donc le miraculé de la semaine, bravo à lui. On continue avec un troupeau de moutons aliens. Voilà, on était dans les ovnis, donc on y reste un petit peu. Un troupeau de moutons aliens qui est devenu l'attraction locale dans un village de Roumanie. Après que 250 moutons soient devenus soudainement verts en l'espace d'une nuit. Alors, le propriétaire des moutons qui vit dans le village de Harsa a appelé le vétérinaire, évidemment, pour savoir ce qui s'était passé avec les animaux. Et entre-temps, y a beaucoup de gens qui se sont déplacés pour venir voir un petit peu l'attraction. Donc tout le village est venu dans la ferme de cet homme-là pour voir ce qui s'était passé. Et après prélèvement de laine et de peau, le vétérinaire a pu établir qu'en fait, les moutons avaient été traités avec une solution à base de calcaire. Et le berger a expliqué qu'ils avaient une maladie de peau qui revenait de façon chronique et qu'il avait essayé des tas de trucs pour essayer de les guérir et que ça avait l'air de marcher. Alors il leur en a mis beaucoup et finalement ça leur a donné une espèce de teinte assez verdâtre. Et donc comme en plus il avait fait froid la nuit, la veille de cet événement là le berger explique que les moutons ont tous dormi les uns contre les autres, donc la teinture donc a pu se propager encore plus. Donc voilà, j'ai vu une photo, c'est assez space hein, puisqu'ils sont vraiment verts hein, les moutons. Mais verts intégralement, c'est pas juste des petites taches. Elles sont tout vertes. Vert. Ouais, on dirait qu'on les a peints à la bombe. D'accord. Quoi, c'est peut-être même ça d'ailleurs. Hein, peut-être qu'il veut faire parler de lui, mais en tout cas voilà, jusqu'à preuve du contraire, ça serait donc cette solution à base de calcaire qui les aurait rendus verdâtres. Voilà, les moutons un petit peu de Shrek. On continue avec deux femmes ninjas. Vous remarquerez qu'il y a peu d'infos insolites basées sur les ninjas, mais il y en a. Hein, rappelez-vous de cet homme... Ninja russe, absolument. Si tu t'en rappelles, Thomas, ça fait plaisir. Ninja russe qui attaquait les fermes italiennes. Bon, voilà, qui était un ancien militaire. C'est tellement bizarre, tu as un ninja russe que... En vélo. En plus. Qui s'échappait dans les champs, bon, voilà. Donc là, on a deux femmes ninjas armées de sabres, bien sûr, de sabres et de dagues, qui sont rentrées dans une station service, dans la boutique d'une station service, et qui ont attaché le caissier qui était là, qui était présent, bien évidemment. Et donc elles ont pris l'argent, elles ont pris des billets de loto, elles ont pris des cigarettes, et elles se sont barrées telles deux ninjettes. Alors les journaux rapportent que elles avaient en plus de leur tenue entièrement noire des sabres de samouraï, des vrais de vrais quoi, des dagues, mais que elles ne se déplaçaient absolument pas comme des ninjas parce que on a des vidéos de surveillance et en fait la vidéo est sur YouTube. Donc on peut voir ces deux femmes ninjas avec leurs sabres en train de choper des cigarettes, de ce genre de conneries là. Alors maintenant la police chasse les deux femmes évidemment, mais ils n'ont aucun indice quant à leur aspect physique hein, puisque donc elles étaient couvertes de noir. Et ils estiment que c'est un crime grave puisque donc avec ces armes blanches là, elles auraient pu faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, elles sont en cavale. Voilà, petit côté cat size dans cette histoire qui n'est pas sans faire son petit effet. On marque une première pause dans cette série d'infos insolites, mesdames et messieurs. Restez avec nous, on se retrouve juste après. Brown paper bag. Le magazine de l'étrange et de l'insolite. Les infos insolites de la semaine, deuxième partie, hein, ce qui s'est passé de plus étrange, de plus bizarre à la surface du globe, des infos vérifiées, filtrées qui viennent de sources sûres, et on continue avec l'histoire des tardigrades, qui sont aussi connus sous le nom de oursons d'eau. Alors, c'est des petites créatures qui font de l'ordre d'un millimètre, qui peuvent survivre à des conditions extrêmes. Mais c'est absolument incroyable. Je crois qu'elles ont le record, tout simplement. Par exemple, elles peuvent vivre à des températures qui vont du zéro absolu à plus 151 degrés. Elles peuvent encaisser plus de 1000 fois la dose de radiation que n'importe quel autre animal peut encaisser. Enfin bref, s'il y avait demain une guerre nucléaire, s'il y avait un hiver nucléaire, il n'y aurait plus que des tardigrades sur la planète. Si la vie s'éteignait, elle s'éteindrait pas grâce aux tardigrades. Alors vous allez voir à quel point cet insecte est hallucinant. Et en fait, c'est pas vraiment un insecte, puisque les tardigrades forment une branche à part entière. La branche des tardigrades, un petit peu comme les ornithorynques ont leur propre branche zoologique, hein, et bien les tardigrades ont la leur parce qu'ils sont hallucinants, ces petits insectes-là. Ces petits tardigrades en l'occurrence. Alors, je vous en parle parce que, en fait, l'agence spatiale européenne a décidé d'envoyer des tardigrades dans l'espace dans un projet qui s'appelle le projet TARDIS. C'est la première fois de l'histoire que des animaux vont être exposés au vide de l'espace, parce que les tardigrades, en plus de ces facultés hallucinantes, peuvent survivre dans le vide absolu, donc le vide de l'espace. Et ça, c'est tranquille. C'est unique. Il n'y a pas d'autres créatures vivantes qui peuvent le faire. Donc, en plus, comme ça, on va pouvoir les polluer avec nos animaux, les autres planètes. C'est avec des tardigrades. Bon, en même temps, ça fait quand même 1 mm, donc on a le temps d'en mettre un paquet avant que ça pollue le système solaire. Et ces tardigrades-là vont passer donc quelques temps dans l'espace, et ensuite les scientifiques vont voir quelles ont été les modifications sur leur métabolisme. Et pour survivre, ces tardigrades donc entrent en cryptobiose, ce qui est une capacité rarissime dans le règne animal, vraiment. Ça consiste à arrêter le métabolisme et à devenir quasiment immortel. Donc les tardigrades peuvent tenir 8 ans dans un état de congélation. Parmi les très très très rares espèces qui peuvent rentrer en cryptobiose, les tardigrades sont les champions incontestés. Donc voilà, 8 ans de quasi-mort, puisque cette cryptobiose, ça équivaut à une espèce de mort métabolique. Seulement, une espèce d'auto-cryogénisation, quoi. Voilà, seulement 0,01% de leur système vital fonctionne, et ils parviennent en fait à se déshydrater totalement. Ils remplacent l'eau de leur corps par une sorte d'antigel qu'ils fabriquent eux-mêmes. Donc c'est absolument génial. Et là, encore une fois, ça fait rêver, parce qu'imaginez qu'on puisse maîtriser un tel système, qu'on puisse comme ça générer, sécréter une espèce d'antigel qui remplacerait le sang pour hiberner pendant des années, on deviendrait virtuellement immortel. Voilà. Donc ces tardigrades, je les connaissais pas encore il y a quelques jours, donc j'étais très surpris d'apprendre cette histoire-là. On verra ce que l'expérience de ces chercheurs va donner. On continue avec une histoire qui s'est déroulée en République tchèque. Une histoire qui concerne un livre, le Codex Gigas, qui était également connu sous le nom de Bible du Diable. Donc c'est un manuscrit médiéval qui aurait été écrit il y a à peu près 800 ans avec l'aide du diable, et ça c'est quand même très très fort. Ce manuscrit est retourné à Prague après une absence de 359 ans. Alors évidemment, c'est une pièce hors de prix, qui est considérée comme le plus gros livre médiéval, hein. Donc voilà, on n'a pas d'autres manuscrits comme ça du Moyen-Âge qui soient aussi imposants. Et il avait été pris du château de Prague par les troupes suédoises à la fin de la guerre de 30 ans qui s'était déroulée en 1648. Et là donc, il est revenu à Prague pour quelques temps. C'est une exposition provisoire, donc après plusieurs négociations diplomatiques, puisque en fait, la Suède va garder le bouquin, ils auraient pu le rendre, tu vois, mais c'est tellement inestimable qu'il le garde. Et donc, pour quelques mois, le livre sera exposé à la librairie nationale de la République tchèque. Et seulement 60 personnes par heure peuvent entrer dans une pièce où l'air est conditionné, une pièce spécialement aménagée de la Bibliothèque nationale. Donc elle est ultra protégée, cette pièce-là. Le manuscrit lui-même se trouve dans un réceptacle qui a été conçu à cet effet, virtuellement incassable. Et selon le mythe, donc, c'est un moine bénédictin qui aurait écrit ce livre en l'espace d'une nuit pour conjurer ses péchés, pour expier ses péchés. Mais quand il a compris que la tâche était impossible, donc il aurait demandé son aide aux démons. Et c'est précisément la page où on voit une énorme illustration du diable que les visiteurs peuvent voir. Alors l'ouvrage pèse 70 kilos. Il fait 624 pages. Il a été apporté de Suède par avion militaire, donc c'est vous dire à quel point c'est inestimable. Et c'est vrai que on se demande pourquoi il y a cette gravure du démon alors que le livre reprend des passages de la Bible notamment. Et voilà donc pourquoi ce livre s'appelle La Bible du Diable. Donc c'est quand même une belle histoire. On continue avec une histoire qui s'est passée en Amérique. Encore une histoire d'animaux. Il y en a quelques-unes ce soir. L'histoire d'une tortue à deux têtes. Qui a été acquise par un vendeur d'animaux, en fait, qui l'a acheté à un collectionneur. Et cette tortue de 2 mois a 2 têtes, mais elles sont disposées d'une manière assez particulière, parce que c'est assez classique, hein, du reste, surtout dans ces infos-là, de vous parler d'animaux à 2 têtes, etc. C'est presque devenu une banalité, mais là, cette tortue-là, elle a 2 têtes à chaque extrémité de son corps. C'est de science, donc, ça, pour se déplacer. C'est vraiment impressionnant visuellement, en tout cas, il y a pas mal de photos déjà qui circulent. Et elle a 6 pattes, et donc 2 têtes, de part et d'autre de sa carapace. Elle a 6 pattes. Elle a 6 pattes, oui, et 2 têtes de part et d'autre de sa carapace. Il y a une tortue qui a ses 4 pattes, l'autre tortue a ses 4 pattes, et au milieu il y a 2 pattes embryonnaires. 2 pattes en commun, quoi. 2 pattes embryonnaires, et donc les 2 têtes sont totalement opposées, elles regardent dans des directions différentes. Et le tenancier de la boutique, qui s'appelle Jay Jacoby, qui a acquis cette tortue, explique que les 2 têtes semblent avoir des pensées totalement indépendantes, donc voilà, elles font chacun leur vie. Ouais, donc il n'y a pas une fausse tête, on va dire, qui est soumise à la volonté de l'autre. Il n'y a pas de tête embryonnaire, etc. Mmh. Les 2 têtes sont identiques et c'est assez impressionnant. Et donc, parfois, elles semblent mettre en tout cas leurs 2 têtes en commun pour prendre des décisions, hein, pour leur propre bien. Donc elles vont dans la même direction, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va forcément en reculant et elle accepte ça pour se nourrir. Pour se déplacer, donc elles ont quand même réussi à entrer en coexistence. Heureusement qu'elles sont pas en opposition, parce que sinon elles survivraient pas très longtemps. Voilà, la tortue à 2 têtes, moi j'avais jamais vu un cas pareil, en tout cas, vraiment. Ah, c'est dingue, ouais. C'est assez hallucinant. Et pour terminer, si vous avez envie d'impressionner vos amis, si vous cherchez à faire l'acquisition d'un logement, sachez que sur eBay, vous pouvez vous procurer une base américaine de lancement de missiles balistiques nucléaires, hein, en vente donc sur eBay, je le répète. Alors le tarif pour acquérir cette ancienne base militaire qui se trouve dans le désert de Moses Lake dans l'état de Washington, c'est 1,5 million de dollars, ce qui est du reste raisonnable. Franchement, ouais. Elle est fournie avec la bombe ou pas? Alors attends, ça fait à peu près, on va dire grosso modo, 5 millions d'euros. On se met tous en commun là, on l'achète. On va dire que c'est le prix d'un très très gros château avec un très très gros parc. Mais pour cette somme là, vous avez plus de 4000 mètres carrés habitables, nichés sous 23 hectares de terrain, répartis entre 16 bâtiments souterrains, dont 3 silos de lancement avec une hauteur sous plafond de 50 mètres, une salle de contrôle. Le tout est relié par des kilomètres de tunnels. Alors, Le propriétaire actuel de cette base dit, je cite, « Jusqu'à présent, nous utilisions cet endroit comme camp de vacances pour nos enfants et leurs copains. On aimerait que les prochains propriétaires en fassent quelque chose de bien. Alors, je pense que cela ferait un superbe complexe hôtelier ou un parc d'attractions. » C'est clair. Et donc, il expliquait ça à l'AFP. Il s'appelle Barry Hotchkiss. Et c'est un investisseur Immobilier qui est installé dans la région de Los Angeles et qui a acheté cette base il y a 10 ans à des vendeurs qu'il avait eux-mêmes acquises dans les années 70, à l'époque où le gouvernement américain déclassait ces sites de lancement qui étaient conçus pour des missiles devenus obsolètes. C'était des missiles Titan. Donc voilà, aujourd'hui ces bases ne servent à rien. On a plusieurs complexes comme ça, parce qu'il faut savoir que le cas n'est pas unique, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a de la concurrence, il y a d'autres bases de ce type qui sont en vente. Il y en a certaines qui appartiennent toujours au gouvernement américain, il y en a qui ont été rachetés, et c'est hallucinant de se dire qu'il y a des complexes aussi gigantesques que ça. Donc je vous rappelle les dimensions, 4000 mètres carrés habitables. Non, c'est énorme, mais même tu fais des appartements là-dedans, je suis sûr que tu cartonnes. Hein. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'ils parlent même de faire un parc d'attractions, parce qu'il y a la place, 23 hectares, c'est colossal. Et enfin voilà, on peut tout imaginer. En tout cas, bah, si vous avez million et demi de dollars dans les mecs, vous savez pas quoi en faire, je pense que c'est une belle occasion. Ils prennent l'échec ou la carte bleue ou le paiement PayPal direct. Bah écoute, on en parlera hors antenne. Voilà, c'est sur cette info que l'émission s'est terminée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Juste après, sur Rage, c'est la récréation plus exactement. Restez avec nous, bisous, à la semaine prochaine. Ciao. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.